tendance pour les 24 heures suivantes. Persistance de grande prix à vent de secteur nord-ouest sur Baléares, Linox, Lyon, Provence, Isure, Corse, Sardaigne et Madalena. Sécurité, sécurité, sécurité. Le Crossman a terminé sa présente diffusion et repasse sur la fréquence 2677 kHz pour une nouvelle diffusion.